Thank you. really inspiring, my friend. So inspiring, so inspiring, so inspiring. Oh. Sadly for you, my friend, I will have to go. It was an epic moment. C'était un super moment. Je sais pas pourquoi je parle en français, en anglais, alors qu'on est tous francophones ici. Mais voilà, c'était un super moment. Je vous remercie énormément pour ce moment très, très, très, très, très, très, très agréable. Ouais, là, je dois aller. J'ai un petit rendez-vous. Je me suis dit, tiens, j'ai envie d'un petit peu m'amuser là ce soir, vite fait, avant de partir. Hop. Donc encore merci, je vous souhaite un superbe, je vais couper peut-être l'écho, je vous souhaite un superbe jam pour la suite, et bah, hâte de vous revoir les gars, parce que un jam comme ça, on n'a pas eu beaucoup. Alright, see you soon. Thank you.